Sirkuitarumai. Yeah, ok. 100% Sipi Salomai, MINOS. Ok, la mixtape, la mixtape. Le cœur serré, j'ai pris le mic en 2-0-0, cata serré était l'hommage puisque la vie nous mettait des tacs, nous pétait des tacs jusqu'à gerber l'être humain, de quoi faire perler des larmes en espérant meilleur lendemain. Alors j'ai déblatéré, leur tend les mots jusqu'à tabac et je suis pas prêt de cesser de trapper toutes ces colères qu'il y a dans moi. Donc prends-moi, je préfère crever plutôt que de vivre 84, même seul au mic je ferai en restant libre de tous mes actes. Concerné est devenu mon rap depuis que Sarko est devenu monarque, depuis que sa team est devenu le Mac de la France et de ses actes. Consterné, j'évolue comme Mike, je t'en monte, dévolue. Sur le track, un flow qui dévolue. Le rap, quand on s'élance, évalue l'impact de nos punchlines. Même en freestyle, on estime si peu la flicaille. Tout comme ces faux MC racaille. Vas-y, je t'épargne tous les détails, mais j'ai la dalle. Je les graille comme je régale à faire mes bails. J'ai la dalle et le mental d'un résistant, même seul au mic.